balance, tu fous rien du lundi au dimanche. Tu galères, on boit des tours, c'est la guerre chez moi. On balance, mais dans la vie y'a pas d'issue de secours. Faut te raisonner avant que la routine te mette des droits. Conséquence, t'attire les ennuis tour après tour. Y'a trop à dire, arrête mon frère, c'est la merde. Y'a pas d'ambulance, quand dans la mauvaise pente t'appelles au secours. Faut pas tailler, plus tailler, c'est barré de fait. Pour tous les employés, croyez bien que je ne suis pas d'accord avec le RMI. Je fais un quart de ta paye sans bouger de mon domicile. Ben le 6, c'est la paye. J'prends depuis long et puis je me kill et c'est les t'as qui paye. Pourquoi m'arrêter là tant que j'ai mon 7 calais? C'est ça qui me nourrit, j'ai deux croyants clés qui m'appellent. J'ai pas envie d'aller au charbon. Je préfère galérer dans mon trou qu'aller lécher les couilles d'un patron. Jusqu'ici c'est la même, pourquoi se satisfaire du minimum et s'est laissé enfermer dans une vie qui n'en vaut même pas la peine? Faut profiter que t'es jeune pour faire des loves, motiver et se relever ou se faire ken. RMI c'est le thème, les RMI c'est la même. Y'a plus de vote quand t'as plus de shit ou juste plus d'oseille. Et ici c'est la même, c'est le 8900, casse des portes. Jusqu'ici c'est le RMI qui paye. Déçu d'être issu d'ici, rassure m'en bats les couilles, je me barrais pas d'ici. Nos vies sont destinées au RMI. Aïe aïe aïe. On ne connaît pas la vie du rêve, t'as les USA. Nous c'est génération RMI, SMIC et RSA. Mais qui peut aimer ça, on subit la fatalité. On te juge pour ce que tu as et non pour tes capacités. Mais c'est la merde dans nos idées. Yeah, il faut du cash money pour se mettre frais en vitesse. C'est la merde dans nos idées. Yeah. Peu importe le flacon du moment qu'on atteint l'ivresse. Donc on se tape dans nos tests pour voir ce qu'il est vite cher. On avance au quotidien en sachant qu'il faut qu'on se barre. Donc j'allume un sbar car ici y'a pas de fric. On veut toucher les étoiles, on touche à peine les ascétiques. Jusqu'ici c'est la même, pourquoi se satisfaire du minimum et s'est laissé enfermer dans une vie qui n'en vaut même pas la peine. Faut profiter que t'es jeune pour faire des loves, motiver et se relever ou se faire ken. RMI c'est le thème, les RMI c'est la même. Y'a plus de vote quand t'as plus de shit ou juste plus d'oseille. Et ici c'est la même, c'est le 8900. On casse des portes, jusqu'ici c'est le RMI qui paye. 20 piges pour ma part et toujours pas le mi-père. Tu sais parfois je m'y perds, alors du mic j'm'en pars. Quand je rappe pour moi j'm'en pars, tes galères ouais j'm'en bats. C'est déjà la merde en bas, je vais pas te faire un débat. Je déballe mes rimes millimètre, ouais comme d'hab. Y'a ceux qui trimaient, y'a les mecs comme toi. Y'a ceux qu'on pas taf et d'autres qu'on pas d'appart. Les galères ça prévient pas comme les keufs devant ta porte. Dans la street le RMI fait le bonheur de certains dealers. Tu payes tes dettes, il te reste plus rien donc tu pleures. Tu réfléchis pas, t'es H24 chez père. Ta vie fléchit car t'as rien fait pour t'en sortir. Dans cette vitesse, sois là, nous les talons. Avec mon talon, j'galope sans marcher sur les talons. À la talon, on fera tout pour éviter le ballon. Mais c'est normal car j'compte bien rendre fier mes darons. Puisqu'ici c'est la même, pourquoi se satisfaire du minimum et s'est laissé enfermer dans une vie qui n'en vaut même pas la peine. Faut profiter que t'es jeune pour faire des loves, motiver et se relever ou se faire ken. RMI c'est le thème, les RMI c'est la même. Y'a plus de vote quand t'as plus de shit ou juste plus d'oseille. Et ici c'est la même, c'est le 8900, casse des portes. Jusqu'ici c'est le RMI qui paye. Ce sont là, c'est pour les gens qui touchent le RMI, qui connaît la zermie, qui attendent les ascétiques pour pêcher un bout de shit. Touchez pas la zermie, pas besoin de sauter dans le vide. La vie c'est un combat où il faut être gagnant. Quant à le RMI, on vit dans une époque de merde, c'est la crise. Donc on investit, on prend des risques pour pas se faire choper par le fisc. Regarde frère, si tu veux pas finir dans la misère, travaille à l'école et t'éviteras la galère. À 25 piges, le RMI, non merci, je me débrouille tout seul. J'ai besoin de personne, à part la famille qui me soutient et les amis qui sont toujours là. J'espère que la misère s'arrêtera là et que la roue tournera pour pas finir emballé dans un train. La vie est grave, y'a moins de braves et plus de traves. Jusqu'ici c'est la même, pourquoi se satisfaire du minimum et s'est laissé enfermer dans une vie qui n'en vaut même pas la peine. Faut profiter que t'es jeune pour faire des loves, motiver et se relever ou se faire ken. RMI c'est le thème, les RMI c'est la même. Y'a plus de vote quand t'as plus de shit ou juste plus d'oseille. Et ici c'est la même, c'est le 8900, casse des portes. Jusqu'ici c'est le RMI qui paye. La galère on la taffe à temps plein, ça se passe en bas des tours. Pas de salaire que des tampons, mais on s'en bat de tout. Les pieds sur le terrain, les bouts de terre dans la doudoune. On rêve de R1 mais rien à faire donc on charbonne. Donc on pilonne et en Clio, une on rôde en binôme. C'est la routine, jamais on la dope à l'opium. Le RMI, on le divise à l'opinel. On dit le pour survivre et ainsi voir le bout du tunnel. Le bonheur est matinal, match chez nous il est en cavale. Comme ceux qui se piquent les veines, qui pourrent les repas faut qu'ils volent. Et non y'a pas les loaves, maintenant faut qu'on se dévoile. Car si nos mères ne triment pas, bah c'est à cause du voile. La haine nous a violés, on s'habitue, on vit avec. À nous elle est collée comme l'odeur de la cigarette. Mais je veux pas m'égarer, je veux pas du RMI. Je veux pas d'une vie de château, je veux juste vivre ma vie dans le pied. Jusqu'ici c'est la même, pourquoi se satisfaire du minimum et s'est laissé enfermer dans une vie qui n'en vaut même pas la peine. Faut profiter que t'es jeune pour faire des loves, motiver et se relever ou se faire ken. RMI c'est le thème, les RMI c'est la même. Y'a plus de vote quand t'as plus de shit ou juste plus d'oseille. Et ici c'est la même, c'est le 8900, casse des portes. Jusqu'ici c'est le RMI qui paye.